Que le Seigneur vous bénisse. Pagavile tuli tangaza. Mutumishi de donen kumbu aneshafika. Dimanche avant midi. Yenjwa tabeba mimbari tangia mangaribi ya leo kufika na usiku ya mbienga. Na wazia na mutu mukeni kwa bamingi katika tiku. Dans la joie de le recevoir. Eti mutu mufura ya kumpokea. Et le salut au nom de Jésus Christ. Na kumsalimia mjina Bwana Yesu Kristo. Tunamialika nduku. Nous saluons l'Église du Dieu vivant ce soir au nom précieux de Saint Jésus-Christ. Tunasalimia kanisa ya Mungu aliye hai magharibi ya leo mjina Bwana Yesu Kristo. Le frère Nyembu Duku, de l'église de Rigini à Beni. Duku Nyembo wa kanisa Rigini kule Beni. M'a demandé de vous saluer au nom de Saint Jésus-Christ. Aniambia nimsalimie mujina Bwana Yesu Kristo. Peut-être certaines personnes ne le savent pas. Sa zingine watu wengine wajue. C'est depuis l'année passée que je vis à Kinshasa, je suis plus à Lubumbashi. Nitangia mwaka ilipita ne shakuwa ukichasa mishi na tena kulubumbashi. Le frère Minga de Likasi ainsi que frère Kizabi de Lubumbashi m'a demandé aussi de vous saluer au nom de Saint Jésus-Christ. Duku Minga wa kulikasi na nduku Kizabi wa kulubumbashi na waniniomba ni misalimie mjina Bwana Yesu Kristo. Je suis seulement dans la joie d'être parmi vous. Niku mufuraha ya kupatikana katikati yenu. De revoir vos visages. Ya kuona tena mauso yenu. Et j'en profite pour remercier notre frère le berger de l'église. Nafaidia juu kumpikia asante nduku yetu mchungaji wa kanisa. Et tous les assistants pour avoir permis que je puisse me tenir devant vous. Na wasaidizi wote juu vile waliruhusu nisimame mbele yenu. Le frère Ngoyi c'est un ami. Duku Ngoyi yeye ni rafiki. Nous sommes des frères, nous avons aussi des amis. Tuku banduku lakini tuku tena na barafiki. Amen. Amina. Bien sûr, il est vrai que nous ne connaissons plus les gens selon la chair. Hakika ni kweli hatujui tena mtu kufuatana na kimwili. Mais nous savons que nous avons aussi des amis. Lakini tunajua kwamba tuku tena na barafiki. Amen. Amina. Pour ne pas perdre beaucoup de temps. Jutushi tupe wakati. Nous allons lire Esaïe chapitre 6. Tusome Isaya sura yake ya sita. Esaïe chapitre 6. Isaya sura yake ya sita. Verset 1. Mustari ya kwanza. A 6 ou à 7. Kufika na mustari ya saba. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Mumwaka wakufa kwa mfalme Ozia na aliona Bwana mwenye kuketi pakiti ya enzi ya juu kabisa. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Na nchongo ya kanzu yake iliala ekalu. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, deux dont ils se servaient pour voler. Waserafimi walisimama mbele yake na walikuwa kila mmoja na mabawa sita, mbili ile walifunika uso, mbili ile walifunika miguu na mbili walikuwa natumia juu ya kuruga. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Walikuwa nalalamika mmoja kwa mwingine na kusema: Mutakatifu, mutakatifu ni wa milele wa majesi, na dunia mzima inayala na utukufu wake. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Na milango ikatikizika mu misingiti yabo kupitia ile sauti ile ilikuwa nalalamika. Na nyumba iliyala na moshi. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Basi nikasema: ole wangu mimi Kwani mina potea. Kwani ni kuna Kwani ni kumutu wa midomo ya uchafu na ni kuna keti katikati ya taifa wa midomo uchafu, lakini macho yangu inamuona mfalme wa milele wa majesi. Mais les séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avant de, avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alakini mmoja wa serafimi akaruga kuja kwangu mwenye kushika mumkono yake jiwe ya moto ila alichugua pale pa mazabu na mankanya, akagusa kinywa kyangu na kusema, hii inagusa midomo zako, uovu wako inaondolewa na dhambi zako inaondolewa. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Nikasikia sauti ya Bwana yenye kusema, ni nani ule mtatuma na nani atatembea kwa ajili yetu? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Nikajibu, mi huyu unitume. Nous allons prier. Tutaomba. Seigneur notre Dieu et notre Père. Bwana Mungu wetu na baba yetu. Nous te disons merci. Tunasema asante. Pour l'occasion que tu nous as donné de venir en ta présence. Dieu aiba tunatupatia juu ya kuja mwepo wako. Nous tenons devant toi Seigneur. Tunasimama mbele yako Bwana. Toi le saint des saints. Wewe mtakatifu wa watakatifu. Le roi des rois. Mfalme wa mafalme. Nous avons besoin que tu nous regardes au travers du sang de Jésus. Tunahitaji tuangalilie kupitia damu ya Yesu. Pardonne nos iniquités. Usame uovu wetu. Nos manquements. Maukosefu yetu. Nos défauts. Parle-nous Dieu au-dessus. Usemenasi toka mbingo. Fortifie-nous Seigneur. Ututie nguvu Bwana. C'est nous qu'il est écrit. Vaivara vile imeandikwa. Nous serons enseignés de Dieu. Wote watafundishiwa na Mungu. Bénis chacun de nous. Bariki kila mmoja wetu. Quiconque est venu dans ta présence. Yeyote alikuwa mwepo wako. Qu'il puisse être béni. Apate kubarikiwa. Dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Mujina Bwana Yesu Kristo. Nous l'avons demandé. Tunaomba hivi. Amen. Amina. Nous allons parler de l'influence. Tutasema yulu ya uvuto. Nous allons lire aussi des chroniques. Tout à son matin, à Mambo et à Siku et à Pili. Des chroniques, chapitre 26. Mambo et à Siku et à Pili, Sura Makumi Bili na Sita. On va lire le verset 1 et à 6. Musari a kwanza kufika na Sita. Et verset 16 à 23. Musari a kumina sita kufika na makumi na tatu. Tout le peuple de Juda prit Ozias âgé de 16 ans et l'établit roi à la place de son père Amatia. Watu wote wa Yuda wakachugua Ozia mwenye kuwa na umri ya miaka 16 na wakamweka sawa mfalme pafazi ya baba yake Amatia. Ozias rebâtit Elot et la fit entrer sous la puissance de Juda après que le roi fit coucher après ses pères. Ozia akajengulula Elot na akarudisha chini ya utawala wa Yuda, akarudisha utawala ya Yuda kisha mfalme kufa na kwenda kwa baba zake. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Ozia alikuwa na miaka 16 wakati alikuwa mfalme, akatawala miaka 52 mu Yerusalema. Mama yake jina lake alikuwa ni Jecolia wa ku Yerusalema. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatia son père. Akafanya kia kunyoloka mbele ya macho ya wa milele, kabisa kabisa paka vile baba yake Amatia alifanyaka. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait dans le temps qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Akajitoa kumtafuta Mungu mu maisha ya Zakaria, ule alikuwa na akili na maono ya Mungu, na mu wakati ule alikuwa anatafuta Mungu, Mungu akamtajirisha. Verset 16. Mstari wa 16. Mais lorsqu'il fit puissant, wakati ile alikuwa na uwezo, son cœur s'éleva pour le perdre. Moyo wake kanyanyua ajua kumpoteza. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Akamtendea wa milele Mungu wake zambi. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Akaingia mu hekalu ya wa milele juu kuchoma manukato pa mazabu ya manukato. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateur de l'Éternel. Mukwani Azaria akaingia kisha yeye pamoja na makumi munane ya wakuani wa milele. Homme courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dit. Watu wa odari wale walimpinganisha mfalme Ozias na kumwambia. Tu n'as pas le droit Ozias d'offrir des parfums à l'Éternel. Wewe Ozias una na ruhusa ya kuchoma manukato mbele ya wamilele. Ce droit appartient au sacrificateur fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Irusa ni ya watoto wa Aruni wale walitolewa sawa kuani ili wapate kuitoa. Sors du sanctuaire car tu commets un péché. Toka mwekalu kwani unatenda zambi. Cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Hii haitakuheshimisha mbele ya wamilele Mungu wako. La colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main. Ozias akashirika ule alikuwa anaisha uchugua mbabula kumikono. Comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lettre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'auteur des parfums. Vila alishirikia bakuani tazama ukoma ikaonekana pa uso yake muwepo ya bakuani munyumba ya wamilele pembeni ya l'hôtel des parfums ya mazaba au ya manukato. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui et voici il avait la lèpre au front. Mukwani mkubwa Azaria pamoja na bakuani bengine bakamwangalia tazama alikuwa na ukoma pa uso. Il le mit précipitamment dehors et lui se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Wakamutosha kwa haraka nje na yeye mwenyewe akarakisha kutoka nje kwani wa milele alimpiga. Que Dieu bénisse sa parole. Bwana Mungu abariki neno lake. Nous parlons sur l'influence. Tukunasema yulu ya uvuto. Ce jeune roi, huyu kijana mfalme, la Bible rend témoignage de lui. Biblia inamshuhudia. Il était très jeune. Alikuwa kijana sana. Et il était devenu roi à 16 ans. Na balimuweka kuwa mfalme na miaka ya umri ya 16 ya miaka. Mais regardez ce qui est spécial dans ce jeune homme. Tazameni kitu kia upeke ndani ya ukiana. Il avait une bonne influence de sa famille. Alikuwa na uvuto mzuri ya kutokea kujamaa yake. Son père et sa mère c'était des vrais croyants. Baba yake na mama yake balikuwa baaminifu ba kweli. Il avait élevé pour servir Dieu et être honnête devant Dieu. Barimu komalisha, Dieu kumtumikia Mungu na apate kuwa wa kunyoloka mbele ya Mungu. Et lorsqu'il est devenu roi, wakati alikuwa sasa mfalme, la Bible dit, Biblia inasema, il s'est appliqué à chercher Dieu. Alijitoa sana mkumtafuta Mungu. Amen. Amina. Il n'était pas comme les autres rois. Il n'avait pas suivi la voie de la politique. Ou la voie de la popularité. Mais dans tout ce qu'il faisait, il cherchait la volonté de Dieu. Quel exemple même pour nous. Ni mfano mzuri hata kwetu sisi. Dans tout ce que nous faisons comme acte. Muyote ile tunafanya sawa matendo. Est-ce que nous vérifions si c'est conforme à la parole? Eti tunaichunguza kama inambatana na neno? Et ce jeune roi avait beaucoup influencé un jeune homme aussi qui était prophète, c'était Esaïe. Huyu mfalme alivuta kiana mwenzake ule alikuwa nabii alikuwa ni Isaya. A tel point que Isaïe avait été admis même au palais du roi. Mukimwe akusema Isaya walimkubali hata comme ils étaient tous jeunes. Sa vile walikuwa bote biana. Et Isaïe vivait dans au palais du roi. Na Isaya alikuwa naishi munyumba ya mfalme. Parce que la vie de ce jeune roi l'avait beaucoup frappé. Influencé aussi. Kwani maisha ya huu kiana mfalme ilimgusa na ilimvuta kabisa. Écoutez frères et sœurs. Musikie wa ndugu na wadada. Nous devons savoir ceci. Tunapashi kujua hii. Que dans notre marche, ya kwamba msafari yetu na maisha yetu, Nous influençons si quelqu'un. Na sisi tu kunavuta mtu mwa fulani. Amen. Amina. C'est pourquoi nous avons une grande responsabilité. Je crois mana tu kunabujito bunene. De vivre ce que nous confessons. Ya kuishi bile tu kunakiri, bile tunaamini. Si nous confessons être des chrétiens, kama tunasema ya kwamba tuko ba Kristo, le monde voudrait voir Christ manifesté dans notre vie. Ba mudunia wanapenda baone Kristo kuonekana mu maisha yetu. Le monde nous observe. Ba mudunia wanatuangalia. Alléluia. Amina. Le monde regarde si notre vie reflète réellement ce que nous confessons. Ba mudunia wako naangalia kweli kweli kama maisha yetu kunaonesha ile tu kunasema saa tunaamini. Parce que nous sommes en train d'influencer quelqu'un. Kwani tuku na vuta mtu mwa fulani. D'une façon ou une autre. Namuna moya na ingine. C'est pourquoi la Bible dit. Je kwa maana Biblia inasema. Nous sommes la lumière du monde. Sisi tuko nuru ya ulimwengu. Nous sommes des panneaux publicitaires. Sisi tuko bionesha habari. Dans 2 Corinthiens chapitre 3. Wa Korinto wa pili sura 3. L'apôtre Paul nous écrit ceci. Mutume Paulo anatuandikia hii. À partir du verset 1. Kwanza mstari ya kwanza. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Tuanze basi sisi wenyewe kujitoa sisi wenyewe. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Wala sabatu bengine tunahitaji batuandikie barua kwenu sabatu bengine. Il dit, est-ce que nous avons besoin de lettres? Anasema eti sisi tunahitaji barua. Tu veux voyager pour aller à Kinshasa? Napenda kusafiri juu kwenda Kinshasa. Ou quelque part. Voilà, fazi fulani. Avons-nous besoin de lettres? Et si tunahitaji batuandikie barua. Qu'on nous écrive des recommandations. Batuandikie barua sema ule shinjo tunamtuma ni mtu fulani. Moi votre frère Ngoindai. Mie nduku yenu Ngoindai. Berger de Kambov. Mchungaji wa kanisa. Je vous envoie tel sœur untel. Na mitumia dada fulani. Frère untel. Ndugu fulani. C'est un bon chrétien. Ni mukristo mwema ule. Nous n'avons pas besoin de lettres de recommandation. Si c'est à Twitter, nos vies doivent être des lettres. Maisha yetu inapashi kuwe mabarua. Alléluia. Amina. Lorsque tu arriveras à Lubumbashi. Wakati utafika ku Lubumbashi. Lorsque tu arriveras à Kinshasa. Wakati utafika Kinshasa. Ou tu seras peut-être à l'étranger à Kigali. Wala utaenda mwinchi ya kigeni ku Kigali. Tu n'as pas besoin de lettres. Hauhitaji kuandikia barua. Tu n'as même pas besoin de parler. Hauhitaji hata usiku. Mais votre vie. Lakini maisha yako. Et ma vie. Na maisha yangu. Doivent manifester Jésus-Christ. Unapaswa kumuonekanisha Yesu Kristo. Amen. Amina. L'ère est très avancée. Wakati naenda sana. L'heure de s'appeler chrétien est arrivée, est déjà terminée. Wakati ile akujita samini kumukristo inesha pita. Notre vie, maisha yetu, notre façon de parler, namna yetu, notre façon d'agir, namna yetu akutenda, notre façon de vivre, namna yetu ya kuishi, que ce soit au travail, ikiwa mukazi, que ce soit avec les voisins, ikiwa pamoja na bajirani, que ce soit dans les voyages, ikiwa musafari, doivent être des lettres. Inapashi kuwe mabarua. Amen. Amina. Au verset 2. Mstari ya pili. C'est vous qui êtes notre lettre. Mwanjo muko mabarua yetu. Écrite dans nos cœurs. Yenye kuandikiwa maro yetu. Connu, élu de tous les hommes. Yenye kujulikana na kusomewa na watu. Alléluia. Amen. Nous devons être connus. Tunapaswa kujulikana mbizuri. De quelle façon ta voisine te connaît, ma soeur? Ni mnamna gani ule jirani wako anakujua dada yangu? De quelle façon ton collègue au travail te connaît? Ni mnamna gani ule rafiki wa mkazi anakujua? Si vous vous précipitez dans les mêmes choses que kama mnapatikana mubitu bimoema pamoja nabo. Parce que la vie chrétienne, kwani maisha ya Kikristo, Elle est différente de la vie du monde. Inachana na maisha ya mudunia. Les gens du monde n'ont pas de frein. Batu ya mudunia bana na kia. Mais nous avons un frein. Sisi tuko na kia kutuzuiza. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Nous n'agissons pas n'importe comment. Atutenda izuru na dans tout ce que nous faisons, nous faisons. Nous vérifions toujours si c'est conforme à la parole de Gama Dieu. Amen. Amina. Nous devons être inconnus et élus de tous les hommes. Au travail, on doit te lire. Ce sont de confesser seulement que nous sommes des chrétiens. Mais nous devons refléter Christ dans notre vie. Amen. Amina. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Écrite par notre ministère. Non avec de l'encre. Mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre. Mais sur des tables de chair. Sur le cœur. Nous sommes des lettres écrites dans nos cœurs. Si tu mabarua yenye kuandikiwa mumoyo. Des lettres de Christ. Mabarua ya Christ. En d'autres termes. Namna nyingine ya kusema. C'est ce qui est à l'intérieur. Ni kile kiko ndani. Qui doit se manifester à l'extérieur. Ki napashonekana nje. Alléluia. Amina. C'est pourquoi Joko mana dans Éphésiens chapitre 5, moi Efeso sura ya 5. Nous allons lire tout à somme. Verset 5. Éphésiens 5, verset 3. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, quelle cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes la lumière, vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Amina. Autrefois nous étions ténèbres. Alléluia. Amina. Parce que chacun de nous doit voir une autre foi. Alléluia. Amina. Autrefois nous étions ténèbres. Zamani tulikuwa magiza. Mais aujourd'hui nous sommes les enfants de la lumière. Sasa, leo, tuko batoto ya nuru. Marchons dans la lumière. Tutembe basi katika marchons comme les enfants de lumière. Tutembe sa batoto ya nuru. Car le fruit de la lumière wani tunda ya nuru consiste en toutes sortes de bonté, yo ni ya matendo yote mema, de justice ni ya uwaki, et de vérité. Na ya ukweli. Alléluia. Amina. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mwangali shiche kia kumpendeza ne mwana. Prenez point par aux œuvres fructueuses des ténèbres, mushishiriki kumatendo ya ove ya magiza, mais plutôt condamnez-les. Alakini mweye mujihukumu. Alléluia. Amena. Nous sommes les enfants de la lumière. Sisi tuko batoto ya nuru. Nous devons manifester cette lumière. Tunapashi konekanisha ile nuru. Nous devons avoir une bonne influence. Tunapashi kuwa na uvuto mzuri. Et cette influence, na ile uvuto mzuri, si ne peut pas la fabriquer, hawezi kuitunga. C'est ce qui est dedans. Qui doit manifester dehors. Alléluia. Amina. Matthieu chapitre 5. Matayo sura ke atano. Ce sont des choses que vous connaissez. Ni bitu bile munesha jua. Je vous rappelons seulement. Tunamikumbusha tu. Car l'heure est fort avancée. Kwani wakati nesha enda sana. Le Seigneur vient bientôt. Bwana yanakuja sasa hivi. Verset 13. Mstari 15. Vous êtes le sel de la terre. Mwaye muko chumvi ya dunia. Alléluia. Amina. Croyez-vous que nous sommes le sel de la terre? Eti munaamini kwamba tuko chumvi ya dunia? Mais si le sel perd sa saveur, alakini kama chumvi kipoteza butamu, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Amina. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sous le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Nuru yenu ipate kuangazia mbele afin ya batu. Afin qu'il voit vos bonnes œuvres. Ili baone matendo yenu mema. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Na wapate kumtukuza baba yenu mwenye kwa kumbingu. Amen. Amina. Notre vie parle plus fort. Maisha yetu kunasema sana. Au point de vue si notre témoignage est contraire. Mukimo kusema kama mshude tu kukinyume. À notre vie. Maisha yetu, le témoignage n'a pas d'effet. Ushuda ina na matokeo. Je ne sais pas si vous comprenez. Monsieur, kama munaelewa nyenye mimi nasema. Notre vie parle. Maisha yetu kunasema. Plus fort que notre témoignage. Ikunasema nguvu sana kushindia ile tunashuhudia. Moi kwa je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Mimi kumu Kristo. Mais votre vie. Lakini maisha yako ile. Parle plus fort. Ikunasema nguvu sana. Que si notre témoignage est contraire à notre vie, ya kwamba kama ushude tu inaacha na na pache fe aina na matokeo. Alléluia. Amen. Si c'est que nous sommes au dedans que les hommes lisent, ni kile kikundani yetu njo kile bantu beko na soma. Ce n'est pas seulement ce que nous disons. Aina paka kile tu kunasema. Nous pouvons même c'est pourquoi frère Branham dit, ndio kama na nduku Branham anasema, il dit quand je vais au deuil. Wakati naenda kukilio. Et que je dois prêcher au deuil. Na mina penda kuhubiri ukilio. Il dit je me réserve de trop parler de celui qui est mort. Mina jizuiza kanishiseme mingi yulu ya ule alikufa. Sa vie parle. Kwani maisha yake yo nye kunasema. Si il était sous l'art en cachette. Kama alikuwa wakunywa pombe si mkwa ushi. Si il vivait le lutuku en cachette. Alikuwa nakunywa lutuku kumpembeni pembeni. Le vivait de lutuku. Bale banywaji ya lutuku. Quand le pasteur va commencer à témoigner. Wakati pasteur atanda kumushudia. Bate oh, où est-il wetu? Celui-là, il est de notre. Vous voyez? Munaona? Parce que nous, en tant que chrétiens, si, si, ça va, Christo, nous n'avons pas de vie privée. Atuikanake na maisha upeke. Notre vie, c'est une vie publique. Maisha yetu ni ya konekana mbele ya watu. Sinon, nous devenons des hypocrites. Kama ina vile tutakuwa rafiki. Et l'esprit d'hypocrisie, c'est le plus mauvais esprit. Ni roho mbaya sana kwa roho yote. Être autre chose. Kwa kitu kingine. Et faire et chercher à paraître autre. Na kutafuta kuonekanisha kitu kingine. Amen. Amina. Pouvons lire un peu le prophète dans cette prédication. Tunaweza kumsoma kwanza nabii muhimu ahubiri. Du 30 novembre 1963. Ya 30 novembre 1963. L'influence. Uvuto. Lisons ça un peu. Tusome hiyo kwanza. Au point 19. Nukta kumina tisa. Et nous ne savons donc vraiment pas que ce que nous faisons influence. Écoutez. Et nous ne savons donc vraiment pas à tout Dieu sana que ce que nous faisons ya kwamba kile tu kunafanya l'influence qu'exerce ce que nous faisons sur les autres. Na ufuto ile kunafanya yule ya watu wengine. Vous avez compris? Et munaelewa? Ma soeur, lorsque vous allez puiser de l'eau à la fontaine, dada yangu wakati unenda kushota mai kumpompi, est-ce que vous reflétez Christ? Eti, unamonekanisha Kristo? Mon frère au travail, ndugu yangu kukazi kule unatumika, Est-ce que réellement eti kweli kweli tu notre vie maisha yetu ce que nous faisons kile tukunafanya peut-il attirer quelqu'un à l'église? Inaweza kumkokota mtu akwe ukanisa? Pourquoi beaucoup de gens ne croient pas? Jua nini watu mingi abamini? C'est parce que notre vie de foi ni juu kila mara maisha yetu est contraire à ce que nous confessons. Iko kinyume na kile tukunafanya. Et des fois vous entendez les gens dire na kila mara utasikia watu wanasema kama wewe unaenda kumbingu na mimi nitaenda. Et si toi tu entres au ciel moi aussi j'entrerai. Si quelqu'un vous dit comme ça kama mtu anakuambia vile il ne faut pas commencer à discuter. Haifashi kuanza kubishana. Mwambie tu mon frère dis-lui seulement umuoneshe kombele bien bilo kile unaona ndani yangu montre lui seulement nitengeneze. Qu'est-ce que tu vois en moi pour que je puisse l'arranger? Alléluia. Amen. Parce que le temps est mauvais. Du wakati na kwa mbaya. Alléluia. Amen. Parce que être chrétien, kuwa mukristo, c'est marcher à contre-courant du monde. Ni kutembea kinyume na dunia. Alléluia. Amen. La Bible dit nous sommes des lettres écrites. Biblia inasema sisi tuko mabarua yenye kuandikwa. Yenye kusomwa na watu wote. C'est-à-dire que votre vie parle très fort au public. Manake maisha yako kunasema sana kwa watu. Au point si votre témoignage est contraire à votre vie. Mukimwa kusema kama ushuda yako iko kinyume na maisha yako. Ina aucun effet. Haina na matokeo hata kidogo. C'est que vous êtes au dedans. Ni kile uko ndani de vous. Ndani yako. Que les gens lisent. Donc ils vont tomber qu'on a soma. Ce n'est pas tellement ce que vous dites. Haina tu zaidi kile mais ce que vous êtes, alakini kile ufo, vous voyez, unaona, alléluia, amina. C'est pourquoi des fois Dieu permet les épreuves. Ndio kwa maana kila mara Mungu yuko na ruhusu bipimo. Il faut que quelqu'un te piétine, ma soeur. La personne que tu aimes là-bas. Ule mutu unapenda la sana. Que tu es de là. Ule dada unapenda. Elle va te critiquer. Atakubeula siku moja. Elle va dire, c'est une femme qui ne s'est pas préparée. Atasema ni mwanamke mwenye kutika. Qui prépare pour elle. Mimi njo mimi namuipikia. Comment allez-vous réagir? Sasa utatenda namna gani? À ce moment-là. Mwile wakati. Ce n'est pas ce que c'est ce qui est en toi qui va se manifester. Ni kile kiko ndani yako njo kitaonekana. Et là vous entendez quelqu'un. Je parle mon tasque. Vous ne me connaissez alors pas. Alors nous nous disons. Oh, nous sommes devant des personnes. Manake tu kumbele abatu bawili. Vous ne jouake. C'est lui qu'on ne connaît pas. Naone tunajua. Et c'est lui que nous connaissons. Or nous devons pas être comme ça. Je parle pas tu quoi vile. Ce que nous sommes au dedans. Kile tukundani. Doit être une vie dehors. Qui n'a pas ce qui kuonekane nje. Alléluia. Amina. Le temps est fort avancé. Wakati naenda sana. Amen. Amina. Vous pouvez coller quelque chose à quelqu'un dit. Unaweza kumlamika mtu kitu fulani na kusema. Ça c'est cela. Ainsi de suite. Hivi eko hivi na vile. Mais comme votre vie est différente de ce qu'ils disent. Sawa vile maisha yako inaachana na kile anasema. Le témoignage de votre vie parle plus fort. Ushuda ya maisha yako unasema sana. Que le témoignage de quelqu'un pourrait donner à votre sujet. Ushindie ile ushuda mtu mwingine anaweza kulamika. Le berger peut témoigner. Mchungaji anaweza kushuhudia. Même moi je peux témoigner. Hata mimi mwenyewe naweza kushuhudia. Je peux témoigner. Chez maisha anaweza kushuhudia. C'est une vraie une fille de Dieu. Udada ni bintu wa Mungu. C'est un fils de Dieu. Huyu nduku ni mtoto wa Mungu. Mais le monde. Lakini wa mdunia. Votre vie. Maisha yako ile. Se manifestera. Itaonekana. Alléluia. Amina. Demain vous apprenez. Kesho mnapata habari. Que le frère a été révoqué. Ya kwamba ndugu fulani bali mtosha kaji. Parce qu'il a participé dans le vol des minéraux. Jua alishiriki mukuiba kwa maibo mule mukazi. Alléluia. Amina. Écoutez. Sikilizeni. Ainsi gardez tout simplement cela à l'esprit. Que nous exerçons une influence chaque jour. Ya kwamba kila mara tukunafanya uvuto kila siku. Vous avez compris? Eti munaelewa? Chaque jour. Kila siku. Nous exerçons une influence. Tukunavuta watu fulani. Et que nous exerçons une influence chaque jour. Na kila ma, kila siku tu kuna uvuto yule abatu. Et que la vie que vous menez. Na maisha ile kunaishi. Prouve ce qu'il y a dedans de vous. Iko na ikikisha kile kiko ndani yako. Vous ne pouvez pas changer cela. Hawezi ukibadilisha. Ça donne un reflet au dehors. Iko naonekanisha nje. Chaque personne. Kila mtu. Reflète ce qu'il est à l'intérieur. Eko naonesha kile eko ndani. Amen. Amina. Et si nous portons les témoignages comme quoi nous sommes des chrétiens, kama tukileta ushuda ya kwamba sisi tuko ba Kristo, Je pense que c'est l'une des choses les plus honorables qu'un homme, qu'une femme, qu'un garçon, une fille pourrait faire. Nawaza, njo kitu kwa kia muhimu sana kile mwanaume wala mwanamke anaweza kusifanya. Lorsqu'il porte le nom de Christ, wakati anachukua jina la Kristo, comme quoi il va être un représentant de Christ, manake anapaswa kuwa muonekanizi wa Kristo. Croyez-vous que nous sommes les ambassadeurs de Christ? Eti munaamini ya kwamba tuko balozi wa Kristo. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Sisi tuko na muonekanisha Kristo. Là-bas dans nos quartiers, mu makartie yetu. Au travail, mukazi, au marché où vous vendez, soko mulo nauzisha, là où vous travaillez, kule kunatumika, en voyage, musafari, nous sommes les représentants de Christ. Jie tu kunamonekanisha Kristo. Amen. Amina. Mais le problème est que nous nous ignorons. Mambo ni kusema tu kunajisawa, tujijue. Des fois nous oublions ça. Kila mara tu kunaisabu. C'est une grande responsabilité. Ni vujito vunene. De représenter Christ. Kwa kumonekanisha Kristo. Chaque jour. Kila siku. À chaque instant. Kila wakati. À l'école. Kumasomo. À l'université. Kuchuo kikuu. Tu es représentant de Christ. Manake wewe kumusimamizi wa Kristo. Tu es un ambassadeur de Christ. Uko msimamizi wa Kristo. Alléluia. Amina. Lorsqu'il porte le nom de Christ, wakati anachukua jina la Kristo, comme quoi il va représenter Christ, être un représentant de Christ, manake atakuwa msimamizi wa Kristo. Écoutez maintenant. Musikie sasa. Vous devez surveiller chaque mouvement que vous faites. Unapashi kuchunguza kila tendo kunatenda. Amen. Amen. Nous devons surveiller chaque mouvement que nous faisons. Tunapashi kuchunguza kila tendo ile tukunatenda. Alléluia. Amina. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Oh, moi j'ai pris au tabernacle. Oh, mimi naombaka ku tabernacle. Les dénominationnels nous observent. Mamazebu beko na tusoma wanatuangalishisha. Alléluia. Amina. Pour voir la différence. Djo baba on est atanisho. Pour voir Dieu va pas te kuona l'influence de la parole de Dieu dans notre vie. Uvuto ya neno la Mungu mu maisha yetu. Parce que la seule façon d'influencer les autres. Namuna tu bonje akuvuta bengine. De la bonne manière. Namuna mzuri. Il faut que nous soyons sous l'influence de la parole de Dieu. Ina pasi tukua chini ya uvuto ya neno la Mungu. Alléluia. Amena. À ce propos, Dieu a il est, ça reflète ce que Dieu a fait pour vous. Ikunaonesha kile Mungu alimifania à l'intérieur de vous. Ndani yenu mule ndani yenu. Alléluia. Amina. C'est pourquoi Dieu kwa mana on ne peut pas tricher dans le christianisme. Muki Kristo hakuna namna ya kuibia mwa pana. Alléluia. Amen. Parce que dans le royaume de Dieu, Bwani on n'adhère pas. Il faut naître à nouveau. La seule façon de refléter Christ, c'est seulement par la naissance. Ni paka kupitia kuzalika. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui doit se refléter. Bwani ni kile kikundani njo kinapasha onekana nje. Amen. Amina. Vous pouvez faire semblant. On a voulu faire semblant. On a vu des sœurs. Qui étaient assidues à l'église. Barukwana bidi kukanisa. Lorsque leurs maris sont morts. Wakati bwana yao baba bwana yao balikufa. On les reconnaît plus. Atubajue tena. Vous voyez? Munaona? Ils commencent à refléter autre chose. Banaanza kuonekanisha vitu vingine. Est-ce que réellement? Eti kweli kweli. Elles avaient cru? Bariaminiaka? Est-ce que réellement est-ce quali, quali? Ils sont passés à la technique de Golgotha? Baripita kukazia msalaba? Parce que c'est seulement ni paka tu, lorsque nous passons wakati tunapita, par la technique de Golgotha kazi ya msalaba, que nous pouvons réfléchir la vie de Dieu. Tunaweza kuonekanisha mshima wa Mungu. C'est pourquoi Jésus, jogomana Yesu, il pouvait dire à Nicodème, alimwambia Nicodema, dans Jean chapitre 3, mu Yohane sura 3, il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Kulikuwa mtu mmoja katikati ya wafarisayo jina lake Nicodème. Un chef nommé Nicodème, un chef des Juifs. Alikuwa mkubwa wa Wayuda. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Akakuja usiku siku kwa Yesu na kumwambia. Rabbi, nous savons que tu es un docteur béni de Dieu. Bwana, tunajua sema kumwalimu wa kutoka kwa Mungu. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Kwani hakuna mtu akwezi kufanya miujiza ile kunafanya kama Mungu ana pamoja naye. Jésus répondit. Yesu akamjibu. En vérité, je te l'ai dit. Kweli Alléluia. Amen. En d'autres termes, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est un mystère. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Nous devons naître de nouveau. Et naître de nouveau, il faut naître d'en haut. Naître d'eau et d'esprit. Naître de l'évangile. Alléluia. Amina. De l'évangile de Christ. Kupitia injili ya Kristo. Sinon, kama ina vile, vous n'avez pas la vie de Dieu. Mungu. Vous ne pouvez pas voir la nature de Dieu. Et tu Mungu. Ne peux pas refléter Dieu. Mungu. Alléluia. Amina. Parce que nous sommes nés des hommes. Kwani tulizaliwa na watu. Est-ce que c'est une explication? Eti ni mafasilio? Non. Apana. Si quelqu'un vous dit, est-ce que toi tu es un homme? Kama mtu anakuambia wewe uko mtu eti wewe ulizaliwa na mtu tu vas même hésiter eti utashakia no hapana ili dire moi je suis un homme utasema ni mtu mimi sina nguruwa bana je suis né d'un homme mimi nilizaliwa na mtu j'ai la nature de l'homme niko na asili ya mtu celui qui est né de Dieu aussi una nazaliwa na Mungu na yeye la vie de Dieu na yanaonekanisha mshima wa Mungu la vie de Dieu na yeye kuna asili ya Mungu haleluya amina. Et c'est une obligation. Na hii ni mapasha. C'est même le premier pas. Na njoo yeye hatua ya kwanza. Dans le christianisme. Muki Kristo. Sinon nous sommes en train d'être des religieux. Kama ina vile tunakuwa tu watu ya kidini. Nous sommes les hommes tukubantu de l'église. Bakanisa. Les hommes du tabernacle. Bantu bamu tabernacle. Nous n'avons pas besoin d'être des hommes et des femmes du tabernacle. Si à tuitaji tukwe bantu bamu tabernacle apana banumke na banaume apana. Mais notre désir est sincère. Kutaka kwetu ni kugu. C'est être comme Jésus. Ni tupate kuwa sawa Yesu. De ressembler à Jésus. Ni kufanana na Yesu. Et la seule façon de le faire. Namna tumo ya kuifanya. La voie obligée. Je agulazilishwa. C'est faire la nouvelle naissance. Ni kupitia kuzaliwa mara ya pili. Amen. Amina. Ne cherchez pas d'abord le baptême du Saint-Esprit. Ushitafute kwanza ubatizo wa Roho Mtakatifu hapana. Ne cherchez d'abord. Uzaliwe mbele. Alléluia. Amen. Jésus dit à Nicodème. Yesu akamwambia Nicodème. Le vent souffle où il veut. Pepo inavuma inaenda kule napenda. J'entends le bruit. Unaisikia. Mais tu ne sais d'où il vient. Alakini aujue kwenye natokea. Wala kwenye naenda. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Iko hivyo hivyo na mtu wote mwenye uzaliwa wa roho. Alléluia. Amen. Un homme qui est né de l'esprit. Mtu uzaliwa wa roho. Au monde c'est un fou. Mudunia bado unamwona ni mwenda mazimu. On ne peut pas le comprendre. Abawezi kumuelewa. On ne peut pas te comprendre. Abawezi kuelewa. Alléluia. Amen. Tu es comme le vent qui souffle. Où ça va un peu pour qu'on a vuma. Mais tu ne sais pas d'où il vient ou il va. Wana abajue kunyena enda na kunyena tokea. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Nicodème akamuliza bitafanika namna gani? Jésus lui répondit. Yesu akamujibu. Tu es le docteur d'Israël. Oui, huko mwalimu wa Israeli. Et tu ne sais pas ces choses. Asa, huyo hivi vitu. En vérité, je te le dis. Kweli kweli nakwambia. Nous disons ce nous savons. Tunasema yenyewe tunajua. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Na tukunashuhudia yenyewe tuliona. Vous ne recevez pas notre témoignage. Na wewe upokee ushuhuda yetu. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Kama uelewe pale nakwambia vitu hapa dunia. Comment croyez-vous quand je vous aurai parlé des choses célestes? Sasa utaamini je wakati nitakwambia vitu vya kumbingu? Personne n'est monté au ciel. Hakuna mtu alipanda kumbingu. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Isipokuwa paka ule alishuka toka mbingu. Le fils de Dieu qui est dans le ciel. Mwana wa Mungu mwenye kwa kumbingu. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Paka vile Musa alipandisha nyoka. Il faut de même que le fils de l'homme soit élevé. Inapashi vile vile mwana wa mtu apate kunyanyua. Ili yeyote. Croit en lui. Wa kumwamini. Et la vie éternelle. Apate uzima wa milele. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus montre à Nicodème. Yesu anamwonesha Nicodème. Parce que Nicodème voulait savoir comment ça devait se faire. Nicodème répondait à Dieu vite à faire. Regardez. Moïse avait élevé le serpent dans le désert. Moussa rinyanyuaka nyoka mu. Et pourquoi Moïse avait élevé le serpent dans le désert? Moussa rinyanyua nyoka mu le jangwa. C'était à cause du péché du peuple. Il kwa ajili ya dhambi ya watu. Le peuple murmurait contre Moïse. Watu walikuwa na mnungunikia Moussa. Ils avaient péché contre Dieu. Walimtendea Mungu dhambi. Dieu avait laissé des serpents brûlants. Mungu aracha banyoka ba moto. Qui était en train de mort. Les gens. Et les gens mouraient. Moïse est allé prier. Dieu lui a dit, prends un serpent de reins. Mets dessus la poche. Pour que quiconque est piqué par le serpent. Quand il va tourner le regard vers ce serpent, qu'il puisse être guéri. Et Jésus dit à Moïse, na Yesu akamwambia, en d'autres termes, lorsque tu me verras moi, le fils de l'homme, crucifié à la croix, quiconque va croire cette œuvre là-bas, il passe de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Et quelle vie? C'est la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Nous recevons la vie de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous devenons des fils. Et des filles de Dieu. Par la nouvelle naissance. Alors, nous pouvons refléter Christ. Parce que nous n'avons plus la nature de nos pères. Parce que nous sommes morts. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est très important d'abord pour naître de nouveau. Il faut d'abord faire le deuil de ta vie. Organise le deuil de ta vie. Il faut que tu fasses le deuil de ta vie. Na pas utengeneze kilio kya maisha yako ya bujima bwako. Que tu fasses le deuil de ta vie passée. Ufanye kilio kya maisha yako ile ripita. Afin que tu meurs d'abord. Ili kwanza ukufe mbele. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il écrivait aux Romains, à Romains chapitre 6. Je commande à Paul à randike wa Roma sura 6. Mon frère, ma soeur. Nduku yangu na dada yangu. C'est très important. Ni amafa kabisa. Il faut naître de nouveau. Inapasha kuzaliwa mara ya pili. C'est une condition sine qua non. Ni kanuni ya mapasha. Hakuna njia nyingine ya kusolea hapo. Il n'y a pas une autre voie. Comme on a seule la nouvelle naissance. Si tu t'es vié la nouvelle naissance. Tu es tellement irreligieux. Manake unakuwa tu mtu wa kidini. Amen. Amina. Romains 6. Warumi sura 6. Que dirons-nous donc? Tutasema nini basi? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Tuendelee muzambi, Dieu anema yendelee. Loin de là. Hapana, bali ile. Nous qui sommes morts au péché. Jibenye kufa kuzambi. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Namna kani tutaishi tena muzambi? Celui qui est mort au péché. Ulanesha kufa kuzambi. Il ne peut plus vivre dans le péché. Achezi tena kuishi muzambi. Ignorez-vous. Et nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en savoir que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même aussi nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Si nous sommes morts avec Christ, kama tulikufa pamoja na Kristo, nous marchons aussi à nouveauté de vie. Tunatembea tena mu maisha mupya. Notre vie ancienne est passée. Maisha yetu ya zamani ishapita. Mais pourquoi? Sasa juu ya nini? Nous vivons toujours comme cette ancienne personne. Tunaishi paka sawa ule mtu wa zamani. Alléluia. Amen. Pourquoi dans nos familles, nous on ne nous reconnaît pas? Aba tutambue tena. C'est grave, hein? Ni hatari. Est-ce que nos parents nous reconnaissent? Que nous marchons dans la nouveauté de vie. Surtout les jeunes gens. Zaidi babiana, vous avez commencé Murianza, depuis l'école de dimanche. Tangia, masomo mais mienga. Vous devez faire l'expérience de Golgotha. Ne venez pas parce que votre père est prédicateur. Juba, ça ne suffit pas. Ayeneye. Il faut que vous rencontrez Jésus-Christ personnellement. Et que tu meurs avec lui à la croix pour marcher à nouveauté de vie. Sinon vous êtes un religieux. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous laisserons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Benye kujua kwamba mutu wetu wa zamani arisulubishwa pamoja naye. Afin que le corps du péché ili mwili ya zambi fut détruit. Ipate kuharibika. Pour que nous soyons plus esclaves du péché. Ili tushikwe tena watumwa wa zambi. Car celui qui est mort. Kwani ule alikufa. Et libre du péché. Eko huru ku zambi. Alléluia. Amen. Celui qui a fait le deuil de sa vie. Ula alitengeneza kilio ya maisha yake. Qui a pleuré, ulalilia, qui s'est repenti de ses péchés, na kutubu zambi zake, qui a expérimenté le pardon des péchés, na ulalionja usama wa zambi zake, qui a expérimenté ulalionja le pardon du péché, usama wa zambi, qui a expérimenté l'expiation, ulalionja kustakaswa, il a expérimenté le renouvellement, alionja kufaniwa upya, et qu'il est né de nouveau, anesha zaliwa mara ya pili, il marche à nouveauté de vie, anatembea maisha mupya. D'où viennent encore des commérages? D'où viennent encore des escrocs parmi nous? D'où viennent encore des impudiques au milieu de nous? D'où viennent encore cette ancienne vie? Maisha ya zamani, si nous confessons que nous sommes morts, kama tunakiri kwamba tushakufa, ça doit être reflété dehors. Inapashi kuonekana nje. Alléluia. Amen. Pourquoi nous vivons encore en cachet? Ya nini tungali niendelea kunywa mficho? Et toi la sœur, tu protèges ton mari. Na we dada unamufichikia bwana yako. Il continue à boire des liqueurs chez toi. Anaendelea kunywa mampombe ya makali kwako. Quand vous voyagez, wakati munasafiri, vous allez à mission pour être en Chine. Munaenda mu masafari. Vous devenez autre chose que ce que nous connaissons à Gambom. Unakuwa kitu kingine kuliko kitu. Non, tu n'es jamais mort. Kufaka. Tu n'as jamais expérimenté la croix. Mais ton vieil homme n'a jamais été crucifié avec Christ. Alléluia. Celui qui a été crucifié, il marche à nouveauté de vie. Ton vieil homme a été crucifié. Il a fait le deuil de sa vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi. Voyez ce que Paul dit. Muone kile Paulo anasema. Dans Galates chapitre 2 verset 20. Moi Galatia sura 2 makumi mbili. Écoutez. Sigilisen. La Bible est merveilleuse. Biblia ni adamani. J'ai été crucifié avec Christ. Mie na risulubisha pamoja na Kristo. Paul commence ceci. Paulo ananza hivi. Et moi Paul. Anasema mi Paulo. J'ai été crucifié avec Christ. Na risulubisha pamoja na Kristo. Alléluia. Amen. Et si Jésus, kama ni kunaishi, d'abord, kwanza kwanza, il a été crucifié, alisulubishwa kwanza, pour vivre, Dieu apate kuishi. Alléluia. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Narisulubishwa pamoja na Kristo. Et si Jésus, kama ni kunaishi, ce n'est plus moi qui vis. Ana tena mimi ni kunaishi. C'est Christ qui vit en moi. Ni Kristo anaishi ndani yangu. Nous chantons ça souvent, non? Tunaimba hii kila mara, ina vile. Ce n'est pas une chanson. Aina wimbo bule. Ça doit être un témoignage. Inapashi kwa ushuda. Alléluia. Amen. Si je vis, kama ni kunaishi, c'est Christ qui vit en moi. Ni Kristo anaishi si je vis dans la, maintenant dans la chair, kama ni kunaishi, je vis dans la foi au Fils de Dieu, ni kunaishi, qui m'a aimé, ulinipenda, et qui s'est livré lui-même pour moi. Na alijitoa mwenyewe juu yangu. Alléluia. Amen. C'est très important. Ni amafa kabisa. C'est très nécessaire. Ni amafa kabisa. Alléluia. Amen. Ceux qui sont déjà passés par là. Bale banesha kupita pale. Ils savent qu'ils ont fait cette expérience. Banajua kwamba banesha fanya ile onjo. C'est une expérience. Ni onjo ya kufanya. Le christianisme. Ki Kristo. Ce n'est pas seulement parler en bouche. Aina kuisema tu bule ukinywa. Tu quittes le méthodisme. Unatoka mukimishoni. Tu deviens wa mutabernacle. Tu deviens wa mutabernacle. Apana. Nous devons expérimenter la vie en nous. Tunapashi kuonja la nouvelle vie. Mushima bupia ndani yetu. C'est pourquoi. Njo kwa mana. Paul lorsqu'il parlait aux Corinthiens. Paulo wakati alikuwa anasema na Wakorinto. De Corinthiens chapitre 5. Wa Korinto wa pili sura ya 5. Verset 17. Msara 17. Si quelqu'un est en Christ. Kama mtu yuko ndani ya Kristo. Il est une nouvelle créature. Anakuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées. Bitu ya zamani bishapita. Voici. Tazameni. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bitu vyote vinakuwa vipya. Alléluia. Amen. Nos pensées sont devenues nouvelles. Mawazo yetu inakuwa mupya. Nos désirs sont devenus. Mania yetu inakuwa mupya. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vitu vyote vinakuwa vipya. Et tout cela vient de Dieu. Na ile yote inatokea ni kwa Mungu. Alléluia. Amen. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ule alitupatanisha pamoja naye. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Na alitupatia utumishi ya upatanisho. Alléluia. Amen. Nous avons le ministère de réconciliation. Si tukuna utumishi ya upatanisho. Nous voulons réconcilier les hommes avec Christ. Tunapenda kupatanisha watu pamoja na Kristo. Avec Dieu. Pamoja na Mungu. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous pouvons influencer les autres. Jo muile namuna tunawezi kuvuta bengine. Sinon, kama ina vile, nous sommes des pierres d'achoppement. Tuko tumaibo ya kikwazo. Amen. Amen. Quand vous trichez à l'école là, wakati kunaibia kumasomo, comme les autres, ça bengine, qui n'est pas une pierre d'achoppement, et tu as un ya kikwazo, mon frère, ndugu yangu, nous ne devons pas marcher selon ce siècle. Hatuwezi kutembea kufuatana na hii ulimwengu hapana. La Bible nous demande. Biblia natuomba. De ne pas nous conformer au siècle présent. Ya kwamba tushambatane wala tushifanane na hii dunia ya sasa. Romains chapitre 12. Warumi sura 12. Je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu. Na mionya banduku kupitia na rema ya Mungu. À offrir vos corps. Ili mutoe mili yenu. Kwa ça? Nini ile? Nos corps. Kutoa mili zetu. Comme un sacrifice vivant. Sawa zabihu yenye kwa hai. Alléluia. Amen. Il y a un sacrifice à faire. Kujitoa kwa kufanya. Pour suivre Jésus-Christ. Juu ya kumufata Yesu. Pas seulement nos âmes. Hapana paka manafu même yetu. Nos corps. Hata mili yetu. Ça doit être des sacrifices vivants. Inapashi kuwa zabihu yenye kwa hai. Alléluia. Amen. Saint. Takatifu. Agréable à Dieu. Ya kumpendeza Mungu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il est takuwa kwenu ibada ya mzuri. Ah! Un vrai culte. Ibada ya mzuri. Raisonnable. Ya kufikili kuzuri. Alléluia. Amen. C'est lorsque nous pouvons sacrifier nos corps. Ni wakati ile tunatoa mili zetu. Offrir à Dieu nos corps. Kumtoea Mungu wetu mili. Comme des sacrifices vivants. Sawa mazabihu yenye wa ai. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mushifanane na hii dunia ya sasa. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. Hatupashi kufuatana na hii dunia. Mais soyez transformés alakini tubadilishwe par le renouvellement de l'intelligence kupitia kufanywa upya wa akili afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ili mpate utambua mapenzi ya Mungu ni wapi c'est bon et agréable yenye kwa mzuri na kupendeza na kamilifu. Alléluia. Amen. Nous avons compris et tu mnaelewa. Nous parlons sur l'influence tukunasema yule ya uvuto. Nous sommes en train de poser les bases pour bien influencer les autres. Nous devons être influencés par la parole de Dieu. Ozias, il avait une bonne influence de la parole de Dieu. C'est pourquoi dans tout ce qu'il faisait, il cherchait toujours la volonté de Dieu. Il allait toujours demander au prophète Zacharie quelle était la volonté de Dieu dans ce que nous faisons. Et le Saint-Esprit au travers du prophète nous dit c'est ce qui est en nous qui est reflété dehors. Et la seule façon de refléter Christ dehors, il faut que nous soyons nés d'en haut, que nous puissions avoir la vie de Dieu, que nous puissions avoir la nature de Dieu. Alors, nous pouvons aussi refléter Christ par notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon d'agir. Nous n'allons plus agir comme nos grands-pères. Nous n'allons plus dire, moi je ressemble à ma mère. Non. Par la crucifixion de notre vie à la croix, par notre mort avec Jésus-Christ, nous marchons en nouveauté de vie, nous devenons des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Et cela c'est une expérience. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.